L'actualité à Nancy et ailleurs. 13e édition du festival de théâtre Les Planches de l'Étoile. Ce sera du 19 au 23 mars à Vendeuvre-les-Nancy. Une programmation riche, variée, avec des spectacles pour tout le monde, pour rire, réfléchir et partager des émotions. Xavier Grandcola, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la MJC Étoile. Alors, cette 13e édition, comment elle s'annonce ? Elle s'annonce plutôt bien. On a un comité d'organisation très motivé donc pour cette 13e édition. On a déjà des réservations. Ça s'annonce plutôt bien. Alors, c'est quoi un peu le fil conducteur des Planches de l'Étoile ? Alors, le fil conducteur des Planches de l'Étoile, bon, c'est quand même un projet qui a déjà 13 ans, qui a quand même un peu d'ancienneté. L'objectif, il y en a plusieurs, en fait. Le premier, c'est déjà de permettre aussi à des troupes amateurs de pouvoir présenter leur production sur scène, mais pas que, il y a aussi des troupes professionnelles. Le fil conducteur, cette année, on essaie de travailler en particulier sur le sujet de la famille et de ce qui peut s'y passer. Ça regroupe, en fait, un nombre d'éléments dans la programmation. Le point phare, en fait, c'est le spectacle du 20 mars avec le spectacle une fois par an de la compagnie Les Aveugles et l'Éléphant, qui traite vraiment des petites choses de la vie avec les enfants et de la vie de famille d'une manière générale, mais on peut retrouver ça tout au long de la programmation. Puis ce spectacle une fois par an, c'est un spectacle débat, donc comment ça va se passer justement cette soirée-là ? Pour cette soirée-là en particulier, effectivement, il y aura le spectacle en soirée à partir de 20h30, et ensuite derrière, ce sera suivi d'un débat avec les acteurs, particulièrement sur cet aspect des choses qu'on peut trouver sur la vie quotidienne de la famille, qui parle d'anecdotes, mais pas ceux qui parlent aussi du fond et les relations qu'on peut avoir, qui peuvent être simples ou quelquefois un petit peu trop compliquées. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de pouvoir en parler, d'échanger et puis trouver des solutions. Ça commencera donc ce festival de théâtre Les Planches de l'Étoile le 19 mars avec un spectacle, une ouverture du festival avec le théâtre en pièces par la compagnie de l'Étoile. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Alors le théâtre en pièces, donc oui, c'est une pièce de Jean-Michel Ribes au départ. Donc elle est jouée par les acteurs de la compagnie de l'Étoile sur l'ensemble des troupes qui sont là. On a pas mal de troupes qui sont des troupes un peu maison, en fait, des activités liées au théâtre à l'MJC Étoile. Il y en a un certain nombre tout au long de l'année. Et avec l'MJC Étoile, on accueille 5 groupes de théâtre amateurs qui travaillent toute l'année à l'MJC. Ce spectacle-là, avec le théâtre en pièce, justement, c'est un dimanche en famille. Ça part sur l'achat d'un séchage, une soirée. On est dans de la comédie. Donc, on est sur quelque chose de léger, mais en tout cas, derrière, ça laisse quand même à réfléchir. Tous les spectacles, on peut les voir en famille ou il y a des âges parfois à respecter ? Il y en a un petit peu pour tous les âges. Il y a certains spectacles effectivement qui sont plutôt ado-adultes et puis il y en a d'autres qui restent quand même très largement familiales. Et il y en a aussi, en particulier le dimanche, c'est vraiment du spectacle jeune public avec la compagnie Mosca. C'est les habits de Mr. Slop. On est dans quelque chose de léger, mais en même temps d'accessible aux enfants et aux familles. Pour faire un peu bien son programme, si on veut assister à plusieurs spectacles, s'organiser, comment on peut faire pour retrouver toutes les infos pratiques ? Si on veut trouver tout le programme, le plus simple, si on a Internet, c'est d'aller sur le site de la MJC Étoile. On peut retrouver en tout cas la plaquette avec tout le programme, que ce soit des représentations de théâtre ou aussi d'autres choses comme les apérocontes, où là on est sur des formules un petit peu plus intimistes. On a des jauges à 25-30 personnes où on est soit autour du conte, mais même autour du conte, on va traiter de notre thème. On a une autre chose avec l'apéro intro là qui se passe le samedi, avec la troupe TNTB, pareil, on est aussi sur quelque chose de léger. Et toutes les informations sur le site internet MJC, mjc-étoile.com. Parfait, merci beaucoup Xavier Grandcola. Peut-être un dernier mot, le dernier argument pour les auditeurs, pour leur donner envie de venir aux Planches de l'Étoile cette année. Qui viennent nombreux, en tout cas on a une équipe qui est souriante et qui est prête à accueillir le plus de monde possible avec un très grand plaisir. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.